France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. 1924, pour la première fois, une femme étrangère réussit à entrer dans Lhasa, capitale interdite du Tibet. 8 mois auront été nécessaires à Alexandra Davinel pour relever ce défi extraordinaire. 1954-1955, pour la première fois, Alexandra Davinel raconte sur les ondes le Tibet tel qu'elle l'a vu sur la radio-télévision française chaîne nationale, 30 ans après son aventure. Série d'entretiens avec Michel Manol en 9 épisodes dans l'émission Le Tibet tel que je l'ai vu. À écouter tout de suite, 5e émission diffusée le 23 janvier 1955 autour des femmes et 6e émission diffusée le 30 janvier 1955 sur les conditions de vie là-bas. Le climat au pays des neiges, le toit du monde. Écoutons celle qui a parcouru le Tibet du nord au sud, à cheval ou à pied, première femme occidentale à entrer dans la cité interdite. Tibet, tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra Davinel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Au cours de nos précédents entretiens, vous m'avez parlé de beaucoup de gens, évidemment. Et dans ce que vous m'avez dit des mœurs tibétaines, la plupart des choses se rapportent aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Cependant, j'aimerais que vous nous parliez plus particulièrement des femmes. Et je voudrais savoir, par exemple, quelle est leur condition dans la société tibétaine. Et je voudrais savoir aussi si cette condition s'est modifiée au cours des ans. Est-ce qu'elle est différente de ce qu'elle était autrefois ? Et peut-on entrevoir de nouveaux changements dans la condition et les comportements des femmes dans un proche avenir? Nous ne connaissons pas de Tibétains autochtones. Il s'ensuit que nous ne pouvons pas connaître quelle pouvait être la condition des femmes à l'origine de la civilisation dont ils sont issus. Les Tibétains qui sont maintenant au Tibet, ils sont venus de différents côtés, de différents pays. Et en s'établissant au Tibet, ces immigrants avaient déjà des coutumes particulières qu'ils y ont apportées. Et ces coutumes différaient probablement les unes des autres. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne paraît pas qu'au Tibet, les femmes aient jamais été traitées en bêtes de somme comme des explorateurs nous l'ont rapporté au sujet des femmes de certains pays nègres. Aussi loin que nous puissions regarder dans l'histoire de la civilisation tibétaine, la situation des femmes dans la société a toujours été à peu près la même et est restée la même jusqu'à nos jours. Mais quelle opinion les femmes tibétaines ont-elles d'elles-mêmes? Quelle opinion ont-elles de la condition féminine? Regrettent-elles, par exemple, de ne pas être nées hommes? Deux mots, vous vous renseignez immédiatement. Le mot femme se dit en langue tibétaine tiedmen. Cela signifie naissance inférieure ou née inférieure. Véritablement, les femmes tibétaines considère la condition féminine comme étant inférieure à celle de mâle. Cette croyance s'exprime par un souhait qui est fréquemment répété par les femmes, très machinalement du reste. Ils disent « Puissiez-je rejeter le corps féminin? Puissiez-je obtenir un corps masculin ?» Tenez, je vais vous le dire en tibétain. Ah oui. « Samo molu pangwarso, kepo polu toparso. » Voilà. Et il s'agit naturellement que cet heureux changement ait lieu dans une des vies futures qui, après la mort, succède à leur vie présente. Tous les Tibétains croient aux réincarnations. Et est-ce que l'opinion médiocre que les Tibétaines ont de leur sexe les incline à se montrer humbles et timides dans les rapports sociaux? Nous ne devons pas nous laisser tromper par cette profession d'humilité. À tous les degrés de l'échelle sociale et de la civilisation propre aux différents groupes de la population, les femmes tibétaines occupent une place importante dans la famille et dans les relations sociales. et elles maintiennent une large part d'autonomie. Mais à quoi devons-nous attribuer cette situation? On peut croire que la constitution physique très robuste des Tibétains y est pour quelque chose. Elle leur permet de se passer du secours de l'homme, quel que soit l'effort à fournir ou la fatigue à supporter. Les Tibétains du peuple peuvent transporter sur de longues distances des fardeaux dont le poids accablerait la plupart des hommes occidentaux. Elles sont également d'infatigables et hardies voyageuses. Beaucoup d'entre elles, par petits groupes de 3 ou de 4, ou même seules, entreprennent des pèlerinages qui leur font parcourir à pied des milliers de kilomètres. Parmi les gens du bas peuple, la combativité des Tibétaines se manifeste. Alors que les crêles dégénèrent en risque, elles n'hésitent pas à lutter avec de robustes gaillards et parfois elles l'emportent sur eux. Et en effet, la force physique qu'elles possèdent peut contribuer à donner de l'assurance aux femmes tibétaines. Cependant, pour tenir une place de quelque importance dans la famille et dans la société, il faut avoir d'autres atouts que des points solides. Oh, ça, c'est parfaitement exact. C'est la large mesure d'indépendance économique dont elles jouissent qui relève la femme tibétaine de l'infériorité de son sexe et qui leur assure une sorte d'égalité avec les hommes dans la vie sociale. Comme dans tous les pays du monde, la pierre de touche révélant le degré de liberté ou d'asservissement des femmes et leurs conditions dans le mariage. Oui, c'est en effet exact et c'est là un point important. Parlez-nous donc du mariage tibétain. Voici. Tout d'abord, au Tibet, ce ne sont pas les parents de la jeune fille qui versent une dot à celui qui l'épouse. C'est au contraire l'homme désireux d'obtenir une jeune fille pour femme qui doit donner aux parents de celle-ci une somme qui est appelée prix du lait. Et cette somme est considérée comme une compensation pour les dépenses qui ont été effectuées par les parents de la jeune fille pour l'élever. Mais ce n'est pas à dire que la mariée entre les mains vides dans la demeure conjugale. Les filles riches apportent avec elles des biens considérables en bijoux, bétail, terres, etc. Ceux-ci ne sont pas considérés comme la dot de chez nous parce que ces biens demeurent toujours la propriété personnelle de l'épouse. Et en cas de divorce, il lui reste. Savez-vous ce que les Tibétaines pensent de la dot que l'on donne chez nous? Eh bien, je m'en vais vous le dire. Elles s'expriment d'une façon un peu crue, et voilà ce qu'elles disent. Mais les filles de chez vous sont donc bien laides, puisqu'il faut donner de l'argent à un homme pour les épouser, comme s'il devait effectuer une besogne désagréable. On entend dire beaucoup de choses à propos des femmes du Tibet. Est-il vrai, par exemple, que la polygamie existe là-bas? Au Tibet, il existe plusieurs sortes de conventions matrimoniales. On y rencontre la monogamie, c'est le cas le plus fréquent. Il y a également la polygamie, la polyandrie et l'union libre. Toutes ces formes d'union conjugale sont admises et elles sont tenues comme également respectables. Comme je viens de vous le dire, la majorité des Tibétains sont monogames. La polygamie est presque uniquement pratiquée par des hommes riches. Elle ne comporte jamais un harem et la séquestration des femmes entre ses murs. Elle se borne en général à une dualité d'épouses, rarement à 3, qui sont toutes également légitimes. Le désir de s'assurer une postérité est souvent le motif qui engage l'homme en contracter un second mariage lorsque sa première femme ne lui a pas donné d'enfant. Des considérations d'intérêt, une alliance propre à procurer des avantages matériels peut aussi induire un homme à conclure un second mariage. Le désir amoureux n'est pas à écarter complètement, mais ne joue généralement qu'un rôle très minime en cette circonstance. Mais il est assez commun en Orient qu'un homme ait plusieurs épouses. Mais je voudrais savoir, être particulièrement renseigné au sujet des femmes qui ont plusieurs maris. Et la polyandrie dont beaucoup d'auteurs ont parlé, n'en comprennent pas bien les règles du reste. Celle-ci vise à éviter le partage des biens de la famille, en limitant le nombre des héritiers et en les maintenant unis dans une collectivité d'intérêts. Il s'ensuit que la polyandrie est pratiquée dans le cadre de la famille, pas avec des étrangers. La femme épousant le frère aîné devient l'épouse commune de ses frères cadets. Les noms de ceux-ci ont été mentionnés dans un acte écrit, ou ils ont été mentionnés verbalement chez les illettrés au cours de la cérémonie du mariage. Ce jour-là, la mariée est exhortée à témoigner de la bienveillance et du dévouement à ses beaux-parents, aux membres de leur famille, et il lui est aussi recommandé de traiter avec une égale sollicitude ses différents époux, sans faire de différence entre eux. Ce commandement-là revêt une importance particulière, parce que d'après la coutume, c'est l'épouse commune qui a la garde et l'administration des fonds de la famille. C'est à elle que sont versés les profits effectués par les co-époux, et c'est elle qui pourvoit aux besoins de ceux-ci et des enfants qu'elle a d'eux, et en général à toutes les dépenses à solder. Mais dites-moi, il doit arriver fréquemment que les femmes s'éprennent plus particulièrement de l'un ou de l'autre de leurs époux. Évidemment, il est impossible qu'une femme n'ait pas de préférence. Mais il faut comprendre que dans la plupart des cas, la polyandrie est plus nominale que réelle. Les frères époux se trouvent rarement réunis au domicile familial. L'aîné seul y réside de façon à peu près permanente avec sa femme. Ses cadets, parmi eux, les uns voyagent pour les besoins de leur commerce, d'autres ont établi des comptoirs en Chine, au Népal ou dans l'Inde et y séjournent presque continuellement. D'autres encore prennent soin de propriétés familiales qui sont situées à distance de la demeure ancestrale. La polyandrie stipulée dans le contrat de mariage n'empêche d'ailleurs pas les cadets de se créer un foyer indépendant, s'ils possèdent, bien entendu, des ressources distinctes du revenu du patrimoine familial. Est-ce que les frères cadets sont tenus de demeurer pendant toute leur vie les maris de la femme qui leur est commune avec leur frère aîné, le chef de la famille? Non, le divorce existe au Tibet. Mais dans le cas de la polyandrie, il est loisible aux frères cadets de renoncer à l'épouse commune sans divorcer. Ils peuvent se marier légitimement hors du cercle de la famille. Mais toutefois, ils risquent alors de perdre leur droit d'héritier sur les propriétés patrimoniales. Ou du moins, ce droit peut leur être contesté. Et puis, il y a la dame qui parfois ressent l'abandon d'un de ses époux. Elle se considère comme dédaignée, sans offense. Oh, cela peut créer des situations propres à fournir le sujet d'un vaudeville. Oui, vous avez vu et entendu tant de choses que vous n'avez pas été sans avoir connaissance de conflits de ce genre. Et vous en avez vu de près? Oui, il m'est même arrivé d'être consultée, prise pour arbitre à ce sujet. Comment, prise pour arbitre dans un débat concernant une épouse polyandre? Voilà qui est amusant. Je me demande combien de rôles vous avez pu jouer au Tibet. Quelle vie mouvementée vous avez eue. C'est extraordinaire. Mais parlons de cette femme polyandre au sujet de laquelle vous avez été consultée. Quels étaient ses griefs? Une circonstance qui s'ajoutait au comique de l'incident, c'est que celui-ci se passait chez un lama magicien d'un assez grand renom. Il appartenait à l'une des sectes rouges non réformées qui permettent le mariage de leur clergé. Le lama était un gros propriétaire terrien, très cossu. Il avait 4 fils. Le jour des noces de son fils aîné, les noms de ses 3 frères cadets avaient été mentionnés dans le contrat. Et la jeune fille avait accepté les 4 frères pour époux. À ce moment, les 2 maris et aînés étaient seuls adultes. Les 2 cadets n'étaient encore que des bambins. Bien entendu, on ne leur avait pas demandé leur avis à propos de leur mariage, mais ils étaient pourtant légalement mariés. Les bambins grandirent en âge, et avec l'âge leur vint des idées et une volonté personnelle. L'un de ceux-ci, le 3e fils, était entré dans le clergé, et comme son père, il était un lama magicien. C'est ce 3e fils qui troublait l'harmonie du ménage polyandre. Ce 3e fils avait voyagé au Tibet, en Chine. Il avait vécu à Lhasa, à Jigatsé. Il avait fréquenté des lamas en renom. Bref, il était devenu un gentleman, ayant de belles manières élégantes et tenant de beaux discours. Et il était aussi beaucoup plus joli garçon que ses frères. Ah oui, je suis, la dame était devenue amoureuse de lui. Mais quel mal y avait-il puisque ce séduisant magicien était son mari tout comme ses autres frères? Aucun mal. Mais vous oubliez que quand le mariage avait eu lieu, la mariée était jeune fille, tandis que le troisième fils n'était qu'un enfant. Et maintenant, ce troisième fils avait 25 ans, la femme avait atteint la quarantaine, et le sémillant magicien refusait d'être l'associé de ses aînés dans, voyons, l'accomplissement du devoir conjugal collectif, si je puis dire. C'était faire un sanglant affront à la dame. D'autant plus que le mari récalcitrant courtisait une jeune fille qu'il avait l'intention d'épouser. Et je me demande comment vous avez arbitré ce conflit. Oh, je ne pouvais pas faire grand-chose. La dame Polyandre, en passe de perdre un de ses époux, était devenue une furie déchaînée. Elle voulait envoyer ses servants battre et défigurer sa rivale. Ses beaux-parents étaient consternés. C'étaient des gens très respectés. Ils craignaient le scandale. L'époux récalcitrant était un ami de mon fils adoptif. Celui-ci lui conseilla d'aller s'établir dans une autre région et de prendre la jeune fille qu'il aimait comme Youm. Cela le dispenserait d'un mariage du genre civil. Et qu'est-ce que vous entendez par Youm? Est-ce une concubine? Oh, concubine est un vilain mot en français. C'est absurde, mais enfin, c'est comme ça. Youm est le terme par lequel on désigne respectueusement une mère. Ama est le terme ordinaire. Et Youm, dans le cas que nous examinons, désigne la compagne d'un lama appartenant à l'une ou à l'autre des sectes tantriques qui enjoint aux membres de son haut clergé d'avoir une épouse. L'union du lama et de sa compagne est consacrée par le maître spirituel du lama. Les deux époux doivent être instruits de certaines doctrines ésotériques et reçoivent ensuite une initiation. Leur mariage est une union religieuse, tandis que le mariage ordinaire est un acte purement civil. La Youm et son époux, le Yab, sont indissolublement unis, non seulement pour la vie dans ce monde, mais il leur est dit qu'ils le sont pour leurs existences à venir et qu'ils se retrouveront ensemble au cours de leur réincarnation successive. Le but de ces unions n'est pas de fonder une famille. En général, ces mariages n'ont pas d'enfants et en principe, ils ne devraient pas en avoir. Si l'un des deux conjoints meurt, celui qui lui survit ne doit pas se remarier. La fidélité conjugale à laquelle on n'attache pas une grande importance au Tibet est expressément commandée à ceux qui ont contracté cette sorte d'union mystique. Et cette fidélité absolue est-elle toujours strictement observée? Sans qu'elle le soit, dans la majorité des cas. Bon, évidemment, il y a des exceptions. L'esprit est bon et la chair est faible. Oui, je vois que vous avez personnellement connu de ces exceptions. Oui. Je me souviens de trois époux peu stricts quant à leur fidélité. Leur conduite pouvait être dictée par des motifs d'ordre supérieur. Les théories tantriques sont fort compliquées à ce sujet, hein, je ne peux pas vous les exposer. L'un des, disons des délinquants, arguait des motifs qui concordaient avec les théories enseignées dans la secte à laquelle il appartenait. Les deux autres, ma foi, ils jugèrent inutile de me donner des explications. Et les épouses, comment prenaient-elles la chose? Ah, l'une des épouses me dit, le lama, c'était son mari, se conduit mal. Je suis sa compagne initiée, il ne doit point avoir de relation avec une autre femme. Le péché est pour lui. Il en subira les conséquences. Moi, je demeure dans le devoir. Cette femme était très digne. Une autre conçut cette idée baroque et n'allait se plaindre au général chinois musulman qui exerçait l'autorité sur cette partie du territoire tibétain. Le musulman à qui sa religion permettait d'avoir quatre femmes légitimes a dû rire de l'exigence de la dame qui prétendait garder son mari pour elle toute seule. Mais il était très au courant des mœurs tibétaines. Il savait que ce lama, d'après la loi qu'il régissait, devait la fidélité à sa Youm. Il le fit appeler. Que lui dit-il? Je n'en sais rien naturellement, mais il aurait été très amusant d'écouter le dialogue. Alors, cette sorte de mariage religieux que vous venez de décrire n'est pas véritablement une union libre? Mais d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, les unions libres sont très nombreuses au Tibet. Très nombreuses. Elles sont considérées, je vous l'ai dit, comme parfaitement respectables. L'on rencontre surtout l'union libre parmi les commerçants. Chez eux, la femme est d'ordinaire une associée, une partenaire active, qui souvent aussi poursuit conjointement, avec les soins qu'elle donne aux affaires de son mari, d'autres entreprises commerciales qu'elle gère seule et dont elle récolte seule les profits, accumulant ainsi un capital qui est sa propriété personnelle. Mais quel que soit le genre de leur union, les femmes tibétaines ne sont jamais reléguées à l'intérieur de leur maison, Toutes circulent librement, reçoivent et rendent des visites, participent aux fêtes et aux banquets, et au cours de ces réunions, elles s'entretiennent sans timidité avec les hommes. Mais comment se font les mariages? Est-ce que les jeunes gens courtisent les filles qu'ils désirent épouser? C'est très rarement le cas. Ce sont les parents qui combinent les mariages de leurs filles. Et bien qu'avec moins de rigueur, ils combinent aussi ceux de leurs fils. Les intéressés ne sont pas consultés. Cette vieille coutume tend à relâcher de sa sévérité. Et les relations plus étroites récemment renouées entre le Tibet et la Chine contribueront à les faire disparaître. En Chine, les mariages conclus sans la volonté formelle des deux époux ont été officiellement désapprouvés depuis une dizaine d'années. Maintenant, ils sont complètement interdits. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est du divorce au Tibet? Le divorce est permis au Tibet. Il est même assez fréquent. Et les femmes divorcées se remarient facilement. La femme, aussi bien que le mari, a le droit de demander le divorce en exposant ses griefs devant un chef dont l'importance varie suivant le rang social des plaignants. Les anciens d'un village, les témoins qui ont procédé au mariage, peuvent, chez les paysans, être arbitrés juges et décréter le divorce, ainsi que les conditions de restitution de biens, d'indemnité, etc. Il n'y a guère de drame passionnel au Tibet. Les Tibétains attachent peu d'importance aux relations sexuelles. Les maris se contentent de réclamer une indemnité à celui qui leur a enlevé leur femme. Et de leur côté, les femmes réclament une compensation aux femmes qui ont notoirement détourné leur mari d'elles. Et dites-moi, est-ce que dans l'histoire du Tibet, on compte certaines femmes célèbres? Contrairement à ce qui en est en Occident, en Asie, la religion n'est pas affaire de femmes. Philosophie ou mysticisme sont du domaine masculin. Et alors, c'est donc vers le négoce, exceptionnellement, vers de secrètes intrigues politiques que les Tibétains tournent leur intelligence pour exercer les qualités d'énergie que beaucoup d'entre elles possèdent. Tenez, pendant la période troublée qui succéda à l'assassinat en 900 de Langdharma, le dernier des rois du Tibet, alors que le pays se trouva divisé en nombreux petits états, il arriva plus d'une fois qu'à la mort de l'un ou de l'autre de ceux-ci, sa veuve ou sa fille prit le pouvoir en main. Certaines de ces vaillantes dames commandèrent de petites armées, d'autres se défendirent avec succès dans leurs forteresses assiégées. Cependant, leurs noms ont été oubliés ou ne sont qu'imparfaitement connus dans des légendes. Ce sont les annales chinoises qui nous signalent l'existence d'une reine régnant sur une vaste étendue de territoire au Tibet oriental. Ce fait, bien que mentionné de façon imprécise, n'a rien qui puisse nous surprendre. Quant aux Tibétaines qui demeurent dans les coulisses manœuvrant de hauts fonctionnaires, leurs maris, elles ont toujours été et sont encore nombreuses. Jusque vers 1910, une Tibétaine, femme du Maharaja du Sikkim dans l'Himalaya, ne cessa d'intriguer, d'ailleurs sans aucun résultat, contre la politique envahissante des Britanniques dans son petit état. Le Maharaja, son époux, n'était que son instrument. Ce sont des femmes de ce genre qu'à défaut de grandes reines, nous rencontrons le long des chroniques du Tibet. Tenez, en voici une. Poyong nous est représentée comme une fille d'assez basse condition qui, devenue épouse du roi Titsong Detsen au 7e siècle, occupa les fonctions que l'on peut appeler tenez, d'argentier sous l'ancienne monarchie française. Une espèce de ministre des Finances, bien plus puissant que les nôtres puisque les fonds étaient en sa main. En tant que surintendant des deniers de l'État, c'est elle qui pourvut aux dépenses nécessitées par la construction du monumental originel monastère de Samye. Poyong était, comme je vous l'ai dit, d'humble origine. Au cours d'une fête publique, le roi l'avait distinguée à cause de sa beauté. Comme pourraient faire les ministres d'un souverain occidental moderne, ceux de Titsong s'efforcèrent de le dissuader d'épouser la jeune fille, lui démontrant l'inégalité de leurs conditions sociales respectives. Pour le convaincre, il mit même en avant le témoignage d'un voyant qui déclara que dans une de leurs existences précédentes, celle qui était maintenant Poyong avait été la mère de celui qui maintenant était lui-même le roi Titsong. L'ouvrage dans lequel je lis cette histoire et qui s'appelle Pema Jung Nekiarap, elle fait dire au roi « Peu m'importe sa basse naissance, peu m'importe qu'elle ait été ma mère, je l'épouserai. » Et ainsi fit-il. Je vais vous dire l'histoire d'une dame que j'ai connue et qui aimait les hommes, elle, comme ils souhaitent être aimés. Il s'agit d'une dame polyandre. Dans les familles où la polyandrie est pratiquée, les enfants appellent père l'aîné des narines. Les autres sont appelés oncles. Depuis longtemps, le père en titre m'avait déclaré qu'il avait toute bonne raison de croire qu'il était le père véritable d'un jeune lama de 18 ans qui, par son intelligence et son savoir précoce, faisait grand honneur de la famille. Ah, je le félicitais. Un oncle me dit la même chose. Je le félicitais comme j'avais fait pour son autre frère. Un second oncle me fit une déclaration analogue. Je lui adressais encore mes félicitations. Le jeune lama était venu en visite et j'en profitais pour lui demander s'il pouvait me fournir des explications concernant des textes que j'étudiais à ce moment-là. Il me conseilla d'aller consulter son maître, un érudit lama qui vivait très retiré dans une maison située à l'écart dans les montagnes. J'allais le voir. Au cours d'une conversation, je lui parlais de son élève, le jeune lama, et je lui dis que comme élève, il faisait grand honneur. Le lama sourit avec une satisfaction marquée. Je lui ai prodigué tous mes soins, se dit-il, afin d'en faire un vrai lettré. Puis, confidentiellement, il ajouta, l'intérêt que je lui porte est bien naturel, il est mon fils. L'étonnement dans lequel cette déclaration m'ajouta me fit oublier la discrétion, et je lui demandais, mais comment cela peut-il être? Sa mère m'apporte de temps en temps des provisions, répondit-il. En effet, apporter des vivres à un lama qui vit dans la solitude pour s'adonner à l'étude ou à la méditation est considéré comme une œuvre méritoire. Me retrouvant seul avec l'épouse polyandre, je la taquinai au sujet de ses visites pieuses au lama érudit. C'est un si saint homme, répondit-il d'un ton pénétré. Mais ce n'était pas au bout de mes étonnements. Du temps s'écoula. Et je retournais rendre visite au père multiple du jeune lama et à leur aimable épouse collective. Un gros négociant, ami de la famille, arriva tandis que j'étais là. Sachant que je connaissais le jeune lama, fils de mes os, il me demanda de ses nouvelles et se montra extrêmement heureux de l'éloge que je lui en fis. Comme nous étions seuls, il se pencha vers moi et murmura à mon oreille, « C'est mon fils !» L'épouse polyandre, bien plus polyandre qu'elle ne l'était officiellement, rentra dans la chambre. À ce moment-là, et les deux échangèrent un sourire. Il ne manque pas d'âme polyandre en d'autres pays qu'au Tibet. Non, officiellement polyandre, j'entends. Mais sont-elles aussi pittoresques que leurs sœurs tibétaines? C'était Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Vous écoutez Le Tibet tel que je l'ai vu en 1955 avec Alexandra David-Nel, tout de suite sixième émission diffusée le 30 janvier 1955. Tibet, tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Ce qui nous est dit du climat particulièrement dur du Tibet a dû vous y rendre la vie souvent pénible. J'imagine que vos voyages à travers les neiges ont dû être fertiles en aventures souvent assez déplaisantes, peut-être même dramatiques. Ne voudriez-vous pas nous en dire quelque chose? Je dois tout le temps vous répéter la même chose. Les étrangers se méprennent sur beaucoup de choses concernant le Tibet. Et ils se méprennent grandement aussi quant à son climat. Je puis vous parler par expérience. J'ai parcouru le Tibet en tous sens, du nord au sud et en toute saison, tantôt à cheval, tantôt à pied. Et le Tibet n'est pas tout entier le pays glacial que l'on s'imagine être. D'abord, il faut se rappeler que par rapport à l'Europe, le Tibet est un pays méridional. Lhasa est sous la même latitude qu'Alexandrie d'Égypte. C'est la haute altitude d'une grande partie du pays qui le rend froid. Mais le soleil, le magnifique soleil de l'Asie centrale, compense beaucoup les effets de la haute altitude. D'ailleurs, on ne séjourne pas sur les hauts pics parmi les glaciers. Les voyageurs ne font que franchir les cols. Il est vrai qu'un bon nombre de ces cols sont élevés. Ceux qui donnent passage aux chemins qui conduisent de l'Inde au Tibet à travers les Himalayas ont de 4500 à 5000 mètres d'altitude. Le col qui permet le passage au Népal et à la jonction des frontières du Sikkim et du Tibet à 6000 mètres d'altitude. Dans cette région, j'ai pu faire sans difficulté, je crois vous l'avoir déjà dit, une excursion montant jusqu'à 6200 mètres. Et sauf pendant l'hiver où les neiges s'accumulent en certaines parties de ces hautes régions, l'accès de celle-ci est facile. L'hiver, oui, sans doute, l'hiver, c'est un peu différent. Oui, d'ailleurs, on ne voyage pas pendant l'hiver au Tibet. Les voyageurs sont moins nombreux que pendant l'été, mais il y en a tout de même. Mais vous, j'imagine que vous choisissiez l'été. Pas toujours. Voyager en hiver présente des avantages. Il ne pleut pas. Les sentiers sont secs et les rivières sont gelées, du moins beaucoup d'entre les plus petites. Et l'on peut ainsi les traverser à pied sec. C'est une des raisons pour lesquelles, devant faire à pied le trajet de la Chine à Lhasa, j'ai voyagé pendant l'hiver. Alors, dans vos voyages, vous n'avez jamais été arrêté par les neiges ? Vraiment arrêté, non, puisque j'ai fini par passer. Mais mon fils adoptif et moi, nous avons pourtant failli être arrêtés définitivement. Et au lieu d'arriver à Lhasa, nous aurions bien pu arriver plus loin, dans un autre monde. Et vous avez réellement failli périr ? Tiens, cela peut arriver à tous les explorateurs. Cela n'a rien d'extraordinaire. Mais les gens de votre caravane étaient-ils nombreux ? Quelle caravane ? J'ai toujours eu horreur de voyager en groupe. Quand je voyageais à cheval, j'avais parfois deux ou trois domestiques. Mais cette fois, nous étions à pied et seuls. Les provisions, le matériel de campement ? Les provisions ? Mais nous en portions un peu sur notre dos. Matériel de campement ? Mais il n'y en avait pas. Nous nous abritions pour dormir au pied d'un arbre, sous un roc, selon ce que nous trouvions sur notre route. Allant à Lhasa, avec le lama Yongden, je m'étais mise en tête d'aller voir où la rivière qui traverse le pays de Pau prend sa source. Oh, je ne suis pas géographe. C'était une simple fantaisie. Pour arriver dans cette région, il nous fallait traverser la Dioula. L'altitude de ce col n'est pas exactement connue, ne figure pas sur les cartes. Cette région du Tibet n'avait pas encore été explorée. J'étais le premier voyageur blanc qui passait par là. L'altitude du col peut avoir 5000 mètres, 4800, quelque chose comme ça. Je ne vous raconterai pas le début de la montée vers le col par un sentier qui cessait souvent d'être visible dans les herbages ou dans les pierrailles. Nous marchions un peu au hasard. Sachant que nous devions monter, eh bien nous montions. Cela nous prit à peu près 2 journées. Plusieurs fois nous aperçûmes une craie et cela nous remplit d'espoir. Nous croyions qu'elle marquait le sommet du versant dans l'autre pente. Nous pourrions redescendre, pensions-nous. Ah, mais point. Chaque fois, derrière cette crête, il y en avait d'autres. Enfin, la merveille se découvrit. Derrière une des crêtes s'étendait un immense plateau de neige, un plateau incliné qui montait doucement vers une nouvelle crête, très lointaine, enveloppée de nuages. À notre gauche, ce plateau était bordé par une rangée de hauts pics de glace, et à droite, une large vallée couverte de neige aussi montait vers une autre crête. Le paysage était entièrement blanc, sans la moindre note de couleur. Il était blanc et démesuré. J'étais seul. Yongden, portant un sac plus lourd que le mien, avançait plus lentement et il était resté en arrière. Je crois que je n'ai jamais aussi profondément senti ma petitesse, la nullité de ma personne, que devant ce paysage d'aspect surhumain. Oui, ça devait être en effet effrayant, mais que fîtes-vous dans la circonstance ? Mais le pire, c'était que je ne savais pas ce que je devais faire. Quelle était la bonne direction ? Fallait-il continuer tout droit, en face de moi ? Ou bien tourner à droite, par la large vallée ? Et puis, l'après-midi était déjà très avancé, et ces beaux paysages tout blancs des hautes cimes ne sont pas de ceux parmi lesquels il faut s'attarder et passer la nuit. Surtout pour des voyageurs comme nous qui n'avions pas de matériel de campement, pas même une couverture. Me fiant à mon instinct, je continuais droit devant moi. Je n'étais pas arrivé à la moitié du plateau lorsque le soir tomba. Si le paysage avait été merveilleux dans la journée, il devint alors d'une majesté inexpressible. La lune le couvrit d'une teinte bleutée extraordinaire. Les glaciers se mirent à scintiller, changeant entre les étincelles. Alors je me demandais si, comme certains personnages des légendes tibétaines, nous n'étions pas passés du monde des hommes dans un autre monde. Mais ce n'était pas le moment de rêver. Nous devions nous tirer de ce monde féerique mais dangereux. Je signalai à Yongden qu'il eut à me suivre, et je continuai à marcher. Au fur et à mesure que j'avançais, la neige devenait de plus en plus épaisse, j'y enfonçais jusqu'aux genoux. Vers le milieu de la nuit, j'arrivai au sommet du col. Yongden m'y rejoignit peu après. Il n'était pas question de s'arrêter. Il fallait redescendre. Il fallait laisser derrière nous les demeures hallucinantes des génies des hautes cimes que nous avions côtoyés au passage. Et quelques jours plus tard, nous avons été bien près d'y entrer véritablement dans cet autre monde. Vous n'en aviez décidément pas assez de ces excursions dans les neiges. Vous me dites que quelques jours après l'aventure que vous m'avez racontée, vous vous êtes lancé dans une autre encore plus hasardeuse. Et je ne pouvais pas faire autrement. J'étais prise entre deux chaînes de montagnes. Celle que je venais de quitter et une autre qui s'élevait devant moi. Je vais franchir celle-là par le col d'Aigny, un autre col d'une haute altitude, environ peut-être, que sais-je, entre 4800 ou 5002. La montée vers ce col se fit assez facilement. De son sommet, nous vîmes que le versant sur lequel nous devions descendre était très enneigé, et la neige se remit à tomber extrêmement épaisse. Alors, ce qui se suit se raconte difficilement en quelques phrases. Pour bien le comprendre, il faudrait suivre les incidents les uns après les autres. Mon fils tomba dans un ravin que la neige cachait. Il se foula le pied. Il devint incapable de marcher. La neige ne cessa pas de tomber pendant plusieurs jours. Lorsqu'après un court repos, Yongden put à peu près se traîner, on ne distinguait plus aucun des sentiers sous la neige. Nous n'avions plus rien à manger. Bref. Nous sommes restés 6 jours sans manger, en nous traînant parmi les neiges, jusqu'à ce que nous rencontrions une cabane où l'on nous donna à chacun un bol de thé chaud. Avant de quitter les neiges, il y a une question que je brûle de vous adresser. Des auteurs ont parlé d'êtres singuliers, des hommes des neiges qui hantent les glaciers de l'Everest. Il paraît même qu'un journal anglais a subventionné une expédition pour se mettre à leur recherche. Avez-vous entendu parler de ces abominables hommes des neiges? Il est impossible d'avoir vécu comme moi pendant de nombreuses années au Tibet et dans les Himalayas sans avoir entendu parler de ce que les alpinistes de l'Everest ont dénommé les abominables hommes des neiges. Pourquoi abominables? Ah, je me le demande. Et pourquoi spécialement hommes des neiges? Je me le demande aussi. Les individus dont parlent les Tibétains sont dénommés par eux des migueux, c'est-à-dire des hommes sauvages. Leur présence est signalée par toute l'étendue du Tibet, dans les zones chaudes comme dans les hautes zones neigeuses. Et l'opinion des Tibétains au sujet de ces abominables hommes des neiges, sont-ils vraiment, d'après eux, des hommes ou s'agit-il d'un animal? Il semble que les alpinistes qui se sont promenés au Népal cherchent une sorte d'animal qui marche non pas à quatre pattes, mais debout comme un homme. Mais pour les indigènes, les migueux sont de véritables humains. Il les distingue nettement des animaux et des démons ou des génies qui, d'après eux, hantent leurs forêts et leurs montagnes. En langue tibétaine, mi veut dire homme, Et gueux signifie sauvage. On dit aussi tagueux, un châle sauvage, yagueux, un bœuf sauvage, etc. Et les Tibétains ne décrivent pas ces individus comme étant particulièrement répugnants ni particulièrement abominables. Les preuves d'intelligence que l'on rapporte avoir été données par les Migueux montrent ceux-ci comme étant capables de raisonnement analogue à ce que nous faisons nous-mêmes. Et quelles preuves d'intelligence des Migueux ont-ils donc données? Et si l'on a constaté ces preuves, c'est donc que des indigènes sont entrés en contact avec eux. Est-ce qu'ils ont rapporté aux alpinistes quelque chose des rencontres qu'ils ont eues avec des Migueux? Ah, les alpinistes enquêteurs ont été régalés de nombreuses histoires. Si on interroge des campagnards au sujet de superstitions ou de contes de nourrice qui ont cours dans leur pays, on ne manque pas de provoquer d'abondants discours. Et les détails des renseignements fournis aux étrangers varient suivant le tour que les enquêteurs donnent à leurs questions. En Asie surtout, les indigènes sont extrêmement habiles à deviner quelle est l'opinion de celui qui l'interroge. Et ils veulent aussi savoir les faits sur lesquels ils sont particulièrement interrogés. Alors, ils s'empressent d'abonder dans le sens de l'enquêteur, de lui fournir des renseignements souvent imaginaires, qui concordent avec l'opinion que ces enquêteurs ont eux-mêmes. En Orient, on pense que la politesse veut que l'on agisse ainsi. Mais y a-t-il des gens qui ont réellement vu des Migueux? Ben, il ne manque pas de gens qui assurent en avoir vu ou qui déclarent avoir eu des preuves de leur présence. Mais en général, les indigènes ne tiennent pas à les rencontrer. On décrit ces hommes sauvages comme étant plus grands que les hommes ordinaires. On dit aussi qu'il leur arrive d'attaquer, de déchirer les mâles qu'ils rencontrent, tandis qu'ils attirent les femmes, les caressent et cherchent à les enlever pour s'en faire des épouses. Oui, je sais bien, mais n'a-t-on pas attribué les mêmes mœurs aux singes anthropoïdes? Oui, je ne sais s'il fait éprouver, mais c'était là aussi les mœurs des hommes primitifs. Mais quel genre de preuve d'intelligence ces hommes sauvages ont-ils donné? Eh bien, en voici une. Une paysanne vivant dans les Himalayas a raconté à ce sujet l'histoire que voici. Les gens de cette région qui habitent des vallées chaudes ont l'habitude d'envoyer leurs troupeaux passer l'été dans les forêts, sur les montagnes. Cette femme avait été chargée de garder des vaches. Son séjour dans la forêt devait durer plusieurs mois. Elle s'était installée dans une caverne et y avait apporté des vivres, des couvertures pour s'en faire une sorte de domicile. Un jour, tandis qu'elle se trouvait dans sa caverne, elle entendit un bruit au-dessus de sa tête. C'était comme si un objet lourd avait été brusquement posé sur le roc qui formait le toit de la caverne. Puis, elle vit s'avancer au-dessus d'elle deux pieds gigantesques qui dépassaient le rocher. Le bruit qu'elle avait entendu devait avoir été fait par l'individu à qui ses pieds appartenaient. Maintenant, il était assis et allongeait ses jambes. L'un des pieds indiquait l'autre avec persistance. Et en même temps, l'individu assis paraissait parler une sorte de langage confus. Sa voix était très grave. On ne distinguait pas bien des mots séparés dans ce qu'il disait. Mais il ne grognait certainement pas à la façon des animaux. La femme mourait de peur. Cependant, elle regardait les énormes pieds qui se mouvaient en débordant du rocher. Et elle vit qu'une grosse échampe était profondément enfoncée dans le pied que l'autre pied désignait obstinément. La bonne femme ne doutait pas que celui qui s'était assis au-dessus de la caverne fût un Migueux, et elle comprit qu'il voulait qu'elle retirât les chardes enfoncées dans sa chair. Pendant qu'elle réfléchissait, le Migueux paraissait s'impatienter, se fâcher. Il parlait à sa façon, plus vite et plus haut. Elle s'arma de courage, en tailla légèrement la peau du grand pied et arracha les chardes. Le Migueux retira immédiatement ses pieds. Elle entendit un bruit de pas qui s'éloignait en écrasant les feuilles mortes et les brindilles qui jonchaient le sol. Quelques jours plus tard, la carcasse d'un sanglier fut jetée de par-dessus le rocher devant l'entrée de la caverne. La femme entendit encore une fois des bruits de pas et elle comprit que le Migueux lui témoignait sa reconnaissance pour le service qu'il lui avait rendu. Oui, voilà qui est singulier et qui me paraît quelque peu féerique. Mais avez-vous connu la femme à qui cette aventure est arrivée? Je ne l'ai pas connue. Mais un parent de mon fils adoptif l'a connu et l'a entendu raconter l'histoire de ce Migueux reconnaissant. D'autres personnes aussi l'ont entendu. Ce Migueux n'était pas un habitant des neiges, c'est aussi Kim dans une région du bas Himalaya qu'il se promenait. Alors les indigènes ne croient pas que ces hommes sauvages habitent spécialement dans les neiges? Pas du tout. Les indigènes croient que l'on peut rencontrer des Migueux dans des endroits chauds comme dans des endroits froids. Yeah. pas entendu raconter par la femme elle-même l'histoire du milieu reconnaissant, et j'ai entendu raconter une autre histoire, et cela par quelqu'un qui en était le héros. C'était un anachorète tibétain. Dans sa jeunesse, il avait été le disciple serviteur d'un ermite qui vivait dans la région de Ngaru, non loin du Kantissé. Le Kantissé, c'est le mont Kailas des Indiens, au sud-ouest du Tibet. Suivant la coutume des ermites tibétains, ce maître avait élu domicile dans une caverne, tant soit peu aménagée, pour servir d'habitation. L'entrée de celle-ci était fermée par une porte en bois. Un jour, l'ermite s'en étant allé, comme il le faisait quelquefois pour parcourir les environs, le jeune garçon, se trouvant seul, entendit que l'on poussait fortement contre la porte, comme pour entrer dans la caverne. Cette porte se fermait par un loquet que l'on pouvait manœuvrer du dehors comme du dedans. Cependant, celui qui cherchait à s'introduire ne paraissait pas songer à se servir du loquet et s'obstinait à pousser contre la porte. La force de la poussée devenant plus violente, la porte céda et s'ouvrit. Alors, le garçon, déjà très effrayé, vit avec terreur entrer un homme. Non, pas un animal, pas un singe, m'affirma celui qui me narrait cette aventure de sa jeunesse. Un véritable homme. Il était nu, sa peau était brune. Ses cheveux noirs et longs pendaient en désordre sur son dos et sur ses épaules. Sa poitrine et ses jambes étaient velues, mais non pas recouvertes d'un pelage, comme les animaux. L'homme semblait parler. Il disait quelque chose comme « pat, pat, boum, boum » que le garçon ne distinguait pas bien, étant d'ailleurs trop terrifié pour faire des observations. L'individu fouilla partout, jetant de ci et de là les livres, les lampes du petit hôtel. Il découvrit ainsi la provision de radis raves que l'ermite conservait pour faire la soupe. Il les mangea goulûment, puis il trouva le sac de farine d'orge grillée. Il le flaira, le tourna, le retourna, mais comme il en avait été de la porte, il ne put pas délier les cordons qui liaient le sac. Pris de colère, il mordit le cuir, le déchira avec ses dents et ses mains énormes, la farine tomba par l'ouverture, et le sauvage visiteur en mangea, mais elle ne parut pas lui être d'un goût agréable. Il retourna fureté du côté où il avait trouvé les radis raves, mais il n'y en avait plus. Finalement, l'homme sortit, sans s'occuper du garçon, aplati contre la paroi rocheuse de la caverne. Le milieu ne fit aucune attention à moi, me raconta le vieil anachorète. Certainement, ajouta-t-il, je dois à la grâce de mon vénéré maître dont la bénédiction était sur moi de n'avoir pas été tué par le milieu. Mais est-ce là le seul rapport direct qui vous ait été rapporté par quelqu'un qui avait vu lui-même un milieu? Pendant mon séjour à Darcido, le camping des Chinois, au Tibet oriental, au cours de la guerre sino-japonaise, j'habitais un ermitage situé sur un éperon de montagne. Ce éperon s'appelle Pomosan. Il domine la ville. Un jour, l'homme qui se chargeait de m'apporter ma ration hebdomadaire de provisions m'annonça qu'un fonctionnaire chinois en tournée d'inspection dans la région s'était arrêté à Darcido. Il ramenait avec lui deux migueux qu'il avait capturés dans les forêts qu'il avait traversées. L'homme avait entrevu les captifs que l'on tenait enfermés de crainte qu'ils ne s'échappent. Il ne leur attribuait pas une taille gigantesque, disant seulement qu'ils étaient grands, avaient une forte barbe et une longue chevelure. On lui avait dit qu'ils étaient nus quand ils avaient été saisis par les soldats de l'escorte du haut fonctionnaire. Mais par décence, celui-ci les avait fait vêtir. Le chinois, mon messager, déclarait aussi qu'il s'agissait bien d'hommes, non pas de singes, mais que ces hommes ne savaient point parler. Alors, je conclus que ces individus sauvages devaient être peut-être des aborigènes du sud-est du Tibet, peut-être des Lopas, des gens d'autres tribus, et que ces gens, pour une raison quelconque, étaient remontés vers le nord à travers les vastes forêts vierges qui s'étendent de ce côté. J'aurais vivement souhaité les voir, mais lorsque j'entendis parler d'eux, ils avaient quitté Darcido depuis plusieurs jours, emmenés par le fonctionnaire chinois. Thank you. Entre les différents contes qui ont été répandus par les étrangers au sujet des Migueux, il en est un qui leur est resté inconnu et qui pourrait bien se rapporter à ces individus fantastiques. Nous le trouvons dans le poème épique des Tibétains, leur Iliade, qui est consacré aux exploits du héros, Guessard de Ligne. Voulez-vous l'entendre ? Mais certainement. Alors, l'épopée de Guessard narre qu'après avoir vaincu et détruit en les foudroyant, ça c'est le prélude des bombes atomiques, on les troupes des deux frères chefs de Hors, Courcard et Courcerre, c'est-à-dire Cour le Blanc et Cour le Jour. Restait le troisième frère, Cournac, Cour le Noir. Celui-là, avec un petit nombre d'aides de camp, était arrivé en retard au lieu où le gros de l'armée s'était réuni et avait été bombardé. Ce retard avait sauvé la vie à ces quelques hommes. Guessard réfléchit, puis dit « Oh, ces quelques hommes ne peuvent pas être bien dangereux, laissons-les s'enfuir, sans les poursuivre. » Et ces hommes se réfugièrent au loin dans les montagnes du Nuari, à la frontière du Népal. Ah, l'histoire de cette région n'est pas sans offrir quelque analogie avec celle vaguement esquissée au chapitre 6 de la Genèse, parlant des unions des fils de Dieu. Et qui c'était-il, ces fils de Dieu ? Ah, j'en sais rien. Avec les filles des hommes qu'ils avaient trouvées belles. Cournac et ses compagnons, qualifiés de démons dans le poème épique, il faut remarquer que les ennemis sont toujours gratifiés de titres estimés péjoratifs. On les appelle démons, terroristes, rebelles, brigands, etc. Donc, ses compagnons de Cournac, s'étant retirés dans les hautes montagnes du Nyari, virent dans la région des filles qu'ils trouvèrent belles et les prirent pour femmes. Et du reste, voilà ce qui est dit dans le poème. Ces Orpas sont toujours vivants, cachés dans les montagnes de Nyari. Ce sont des êtres gigantesques, tels que prenant un homme ordinaire entre leurs doigts, ils peuvent le rouler comme nous le faisons d'une puce. Dans leur retraite, ils sont multipliés, il en existe un grand nombre de différentes espèces. Devons-nous chercher du côté de cette fantastique légende une confirmation de l'existence des Migueux, précisément dans une région voisine de celle que les envoyés du Daily Mail se proposaient d'explorer? En tout cas, ils ont été heureux de ne pas les rencontrer et de ne pas se faire rouler entre leurs doigts comme des puces. Mais voyons, vous qui avez passé tant d'années dans les pays hantés par les Migueux, en avez-vous rencontré ? Et je ne me hasarderai certes point à l'affirmer, non, non, mais j'hésite un peu à le nier catégoriquement. Le Tibet et les Himalayas sont les terres élues des prestiges et les doctrines que les sages y murmurent sur les cimes à l'oreille des disciples choisis préconisent une extrême réserve dans la distinction entre l'illusion et la réalité. Donc, au début de mon voyage pédestre vers Lhasa, nous étions dans les forêts Yongdan et moi, toujours déguisés en pauvres pèlerins, et nous cheminions donc du côté du Kakarpo. Nous entrevîmes là, pendant la nuit, deux formes humaines, de taille anormalement haute, des sortes de géants, qui s'avançaient dans notre direction sur la piste que nous suivions. Ces individus nous parurent complètement nus, leurs cheveux pendaient sur leurs épaules. Ils ne portaient pas de bagages, ce qui est tout à fait inusité de la part de voyageurs qui parcourent des régions désertes. Et contrairement à l'habitude des pèlerins tibétains, les deux personnages n'avaient pas non plus de bâton à la main. À ce moment, nous nous trouvions encore à peu de journées de marche de la frontière du Yunnan. Et pour ne pas compromettre le succès de l'aventureux voyage que nous avions projeté, nous devions à tout prix éviter d'être vus. Il nous fallait donc refrainer notre curiosité. Nous nous jetâmes vivement dans un petit ravin proche de nous et nous nous y aplatîmes parmi les broussailles, perdant ainsi les deux individus de vue. Ils passèrent sans bruit et nous restâmes dans notre cachette jusqu'au lever du jour. Alors, n'entendant aucun bruit, nous nous aventurâmes à inspecter les alentours. Nulle place convenable pour camper n'était visible et aucune trace dans les taillis ne décelait le passage d'individus de grande taille. Ceux que nous avions entrevus devaient avoir continué leur chemin. L'altitude du col de Dokar que nous allions franchir est de 5412 mètres. L'endroit où nous fîmes cette rencontre devait approximativement se situer à plus de 5000 mètres. Avions-nous vu les Migueux ? En dernière heure, il est rapporté que les envoyés du Daily Mail ont terminé leur exploration. Ils sont retournés à Katmandou. Ils ont rapporté un beau film et deux graines d'une vingtaine d'espèces de rhododendrons.